L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Marcel Bozonnet, nous allons parler d'un spectacle qui a pour titre Soulèvement. Le pluriel ou le singulier est autorisé? Ce sont à la fois la notion de soulèvement et les soulèvements. C'est un retour vers la Révolution française et en même temps, ce sont les derniers soulèvements, c'est-à-dire les soulèvements arabes. Question posée en effet par ce spectacle, pourquoi et comment un peuple se soulève? C'est une vaste question à laquelle l'homme de théâtre apporte une réponse. Ce que j'avais envie de faire, c'était de retourner vers la comédie, vers la Révolution française qu'on étudie quand on est enfant et puis... Après, dans l'âge adulte, on l'oublie. Par moments, quelque chose nous rappelle nos origines, parce que la Révolution française, elle est à l'origine de notre système de société, elle est à l'origine des idées qui nous portent, qui nous traversent. Elle est comme un mythe pour nous. J'ai voulu retourner vers ce mythe et puis en ressortir quelques éclats, c'est-à-dire des moments qu'on avait pu oublier. Alors il y a notamment, par exemple, la révolte de Saint-Domingue, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, des émeutes du sucre qui avaient lieu en 92. Il y avait cette grande manifestation aussi où le peuple de Paris, le peuple du Faubourg Saint-Antoine et le peuple du Faubourg Saint-Marcel est allé défiler à l'Assemblée nationale avant de rentrer dans les Tuileries. Ce sont ces moments comme ça d'émotion populaire, d'insurrection, puisque ce qui porte cette période de l'histoire, c'est le droit à l'insurrection. Alors c'est vrai que quand on parle de la Révolution, certains ont un rapport à ce sujet très différent selon la période où on situe le moment où on évoque la Révolution, les prémices, le temps fort de la Révolution et voir les lendemains qui ont déchanté. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pris cette notion de soulèvement, parce que ce qui vient d'abord, et très souvent, autour, avec la Révolution, c'est la terreur. Et même quand nous avons commencé des improvisations, c'était incroyable comme nos corps et nos visages exprimaient plutôt la terreur, justement, que le soulèvement, et ça nous échappait. Alors c'est vrai qu'il est question là de paroles collectives. On n'est pas effectivement non plus dans la représentation. Quand on parle de la Révolution, c'est souvent les personnalités qui ont émergé, les leaders, les figures, les grandes figures historiques. Vous attachez davantage à la parole collective. On s'attache à la parole collective et au mouvement collectif. Mais il n'empêche qu'on entend un certain nombre de discours qui concerne par exemple les notions d'égalité, les questions de gouvernement et les questions de droit à l'insurrection. Mais on essaye de montrer comment c'est le soulèvement du peuple. Des thèmes traversent, j'imagine, votre travail. Quand on parle de la Révolution, ce n'est pas effectivement une seule idée qui transparaît. Il est question de justice, de loi, de pauvreté, religion, la guerre, parce que c'est aussi ça, la Révolution, et des sujets qui nous sont chers aujourd'hui, dans les acquis de la Révolution, l'égalité, par exemple. Oui. Oui, ce qui est frappant, c'est que Joël Pommerat le disait tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que c'était il y a un quart d'heure et que des choses qui se disaient il y a maintenant quelques siècles se disent aujourd'hui, se pensent aujourd'hui ou peut-être même se disent moins bien, avec moins de force, avec moins d'éclat. Et la fréquentation de cette époque nous amène à quelque chose où la parole avait une énergie, avait une capacité d'exprimer la pensée qui est sans doute plus grande que... Il y a sans doute une déperdition, je dirais, collective de cette de l'expression par la parole. Vous vous êtes appuyé sur, pour créer ce spectacle, montage de texte, Quels ont été, je vois, des extraits de cahiers de doléances, des chansons, des poèmes, des récits, des réflexions, des textes contemporains pour nourrir justement et définir ce que sont ces soulèvements ou l'idée du soulèvement. Il y a une historienne qui nous a guidés, qui a même inspiré le travail, qui est Sophie Vanisch, avec laquelle nous avons collaboré quand nous faisions ce montage de texte. Mais et en dehors de Sophie Vanisch, sommes beaucoup inspirés d'un livre qui raconte la Révolution au faubourg Saint-Marcel, qui est d'un historien italien qui s'appelle Burstein. Je vois aussi théâtre musical, car la musique est présente. Je vois pavane, défilé, danse, musique lointaine. Oui, nous sommes trois comédiens, Valérie Dréville et moi-même, avec, entre nous deux, je dirais, le comédien percussionniste et compositeur Richard Dubelski, qui a toujours son petit tambour avec lui. Et dans le fond, nous sommes tous les trois à faire une sorte de petite procession, une procession plutôt humble, plutôt amusante, voire rigolote, parce qu'on ne peut pas imaginer comme ça, cette notion de soulèvement n'emmène pas forcément avec elle la notion de gravité. Donc, en même temps que Richard Dubelski jouera du tambour en direct, il compose une partition pour guitare électrique et clarinette. Et comme je vous le disais au début, on entendra évidemment la musique arabe, puisqu'on traite des débuts du soulèvement place Tahrir à Tunis et à Deraa en Syrie. Je vois aussi le recours ou la collaboration d'une chorégraphe, Marie Hortz, c'est ça, où il est question de déplacement en spirale. Pourquoi ? C'est cette notion, si vous voulez, de petites processions et de ces petites processions comme les carnavals qu'on peut faire par exemple au Népal, où on se promène à l'intérieur des maisons, dans les cours, où on rôde un peu comme des fantômes. Alors je lisais à propos de votre spectacle dans les notes d'intention, les comédiens, les trois que vous êtes, une femme, un homme et cet homme tambour, donnent corps aux émotions, aux voix, aux gestes, aux pensées. Travailler les états du corps, c'est un travail d'acteur particulier. Oui, c'est un travail c'est un travail de la parole, et puis c'est un travail des émotions. C'est retrouver les émotions qui ont traversé ces personnes. Ces corps ont été traversés par des émotions. Ils ont été traversés par des enthousiasmes. Quand on a à l'heure actuelle des témoignages de personnes qui, par exemple, sont allées en Tunisie, défiler devant le ministère de l'Intérieur, et les gens racontent, ils avaient eu tellement peur qu'ils n'arrivaient pas à crier, que les cris ne sortaient pas. Et j'ai le témoignage aussi d'une jeune femme en Égypte, elle, qui me racontait qu'elle n'arrivait, elle était dans la manifestation, mais elle n'arrivait pas encore à lever son bras. C'est profondément touchant, c'est tout à fait extraordinaire, ces récits que nous avons aujourd'hui de corps qui se libèrent de la peur. Alors, il est question, vous aviez fait allusion de l'éloquence, de l'art oratoire, c'est aussi ça, la proposition ? Il y a des moments, effectivement, il y a des moments d'art oratoire, il y a des moments, et on le voit dans les révolutions égyptiennes, il y a un moment, un leader syndicaliste d'une région de l'Égypte qui se détache du syndicat majoritaire égyptien qui était pro-gouvernemental, et cet homme, il a des capacités oratoires extraordinaires, et il entraîne son monde. De la même façon que moi j'ai pu, par exemple, dans ma jeunesse, voir l'éloquence d'un Cohn Bendit en mai 68. Donc ce phénomène de l'éloquence, de la parole qui entraîne, il existe, et on a de grands orateurs comme était Mirabeau, comme était Robespierre, comme était Olympe de Gouges. Si j'ai compris, ce spectacle, c'est aussi, vous parlez d'enthousiasme, au niveau de la présentation sur scène, ça va être plutôt très vivant tout cela. Ah oui, je l'espère, ça va être très gai, à la fois simple, mais gai et intense, et joyeux. Merci Marcel Bozonnet. On aura l'occasion de vous rencontrer à nouveau au cours de la saison, puisque votre spectacle sera à l'affiche les 27 et 28 novembre à l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy, présenté dans le cadre du Théâtre du Présent, avec, je vois, une conférence que vous donnerez à l'Université de Cergy-Pontoise dans le cadre de l'Université Ouverte. Donc on aura effectivement en novembre prochain l'occasion de vous recroiser et de vous permettre de vous exprimer à nouveau au micro de notre radio locale. Merci. Merci beaucoup.